Allumer la machine, c'est simple comme bonjour. Tourner la manivelle d'un quart de tour. Enfin lancer le compte à rebours. 5, 4, 3, les monstres à bois. C'est nous les héros. Ah oui, ah!